Scène 4. Qui de vous est le plus vieux ? Un paysan s'avance. Ah, comment te nommes-tu ? Stanislas Leczinski. Eh bien, corne gidouille, écoute-moi bien. Sinon, ces messieurs te couperont les oreilles. Mais vas-tu m'écouter à la fin ? Mais votre excellence n'a encore rien dit. Comment je parle depuis une heure. Crois-tu que je vienne ici pour prêcher dans le désert? Loin de moi cette pensée. Je viens donc te dire, t'ordonner et te signifier que tu aies à produire et exhiber promptement ta finance, sinon tu seras massacré. Allons, mes seigneurs les salopins de finance, voiturez ici le voiturin à finance. On apporte le voiturin. Sire, nous ne sommes inscrits sur le registre que pour 152 rixdal que nous avons déjà payés. Il y aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. Mais c'est fort possible, mais j'ai changé le gouvernement. J'ai fait mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurais vite fait fortune. Alors je tuerai tout le monde et je m'en irai. Monsieur Ubu, de grâce, ayez pitié de nous. Nous sommes de pauvres citoyens. Je m'en fiche, payez. Nous ne pouvons, nous avons payé. Payez. Ou j'y vous mets dans ma poche, avec supplice et décollation du cou et de la tête, corne gidouille. Mais je suis le roi, peut-être. Ah, c'est ainsi! Aux armes! Vive Bourrelas! Par la grâce de Dieu, roi de Pologne et de Lituanie! En avant, messieurs des finances, faites votre devoir! Une lutte s'engage, la maison est détruite et le vieux Stanislas s'enfuit seul à travers la plaine. Ubu reste à ramasser la finance. Thank you.